طيب يا اخوان، ان شاء الله سندخل في هذا اليوم في اخر الفصول المتعلقة بالقواعد، وهو فصل ممتع، وهو فصل ممتع. Donc, Inch'Allah, on va rentrer dans le dernier chapitre qui porte sur les règles concernant les noms et les attributs divins. Wa qabla hadha ya ikhwan, man yuwaddih lana المسألة التي أخذناها في الدرس السابق فيما يتعلق بالقاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم، وهي باب الأفعال أوسع من باب الصفات. باب الأفعال باب أوسع من باب الصفات. Et avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, Juan, je voudrais revenir sur l'un des points qu'on a vu la semaine dernière, afin de m'assurer qu'il soit bien compris chez la totalité d'entre vous. Et madame. Donc on a vu une parole, une règle qu'a évoqué l'un des savants de la communauté. Mada, cette règle qui vise à dire que le chapitre sur les actions d'Allah Azzawajal est bien plus vaste que le chapitre qui concerne les attributs d'Allah. Qui peut nous expliquer en quelques mots, qu'est-ce que cette règle signifie, et est-ce que cette règle est une règle à prendre à part entière, ou bien hunaka tafsilun wa kalam? Ha indak ya Ismaïl, Abu Hudayfa. ياسين عندك؟ طيب ياسين قد رفع يده، لكن ما اسمع. طيب من يسرع بالإجابة حتى لا يمشي علينا الوقت؟ Qui peut nous donner une réponse rapide؟ ها ياسين تفضل. تفضل تفضل. ياسين ولا إسماعيل، ها تفضلوا. إسماعيل ايوه تفضل يا ياسين. Ouais, j'ai compris ça. Tfadal, c'est quoi la réponse, Eri? Cher Saleh, cher Saleh, allez, cher. Ahsanta. لا، ما كان يقول هذا، وإلا لما حصل المقصود من القاعدة هذه. نعم، هو الشيخ صالح الشيخ il est venu avec une قاعدة que on retrouvera dans pas mal de livres de Aqidah, qui dit que les œuvres, les actions d'Allah Azzawajal, le chapitre concernant les actions d'Allah Azzawajal est bien plus vaste que le chapitre des attributs. Donc là, c'est comme s'il faisait une différence entre les actions d'Allah Azzawajal et les attributs. Or, nous, on a vu dans la dernière qaïda qui était propre aux attributs d'Allah Azzawajal, qu'on peut extirper un attribut à partir d'une action qui est confirmée à Allah Azzawajal, une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit. Tamam? Donc le fait de reconnaître ou d'affirmer cette règle-là, ça peut ça peut comprendre une forme de contradiction avec la règle que le Cheikh Al-Uthaymeen a évoquée. Et en fait, le Cheikh Saleh, il explique sa règle en disant que lorsque il parle des actions d'Allah Azzawajal, il te dit que ce n'est pas, on ne peut pas prendre un attribut de toutes les actions d'Allah Azzawajal, de toutes les actions, de tous les verbes qu'on affilie à Allah Azzawajal, on ne peut pas prendre, on ne peut pas en tirer forcément un attribut. Tamam. Pourquoi il te dit ça, lui? Parce que il veut extirper les attributs qui sont qui ont deux sens. Un sens qui est parfait et en même temps un sens qui est déficient. Il y a des attributs qui regroupent les deux. Donc, et ces attributs-là, c'est comme on l'a vu, les attributs de Muqabala, les attributs que on affirme à Allah Azzawajal, mais pas d'une manière absolue. On les affirme à Allah en guise d'opposition. Par exemple, l'attribut de la ruse. La ruse, on n'affirme pas Allah Azzawajal d'une manière absolue, mais on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec ceux qui rusent. Naam. Ou bien l'attribut de la moquerie. Donc, Shir al-Shir, ce que implique sa règle, c'est que on extirpe ces attributs-là, les attributs qu'on qualifie d'attributs de muqabala. Or, yani, la plupart des pieux prédécesseurs, lorsqu'ils évoquent les attributs d'Allah Azzawajal, ils évoquent le makr, ils évoquent ils évoquent l'istihza, ils évoquent mada, kulma zakarna. Donc, le fait de prendre cette règle-là et de l'appliquer, il y aura forcément des contradictions. Donc le mieux, c'est de s'en tenir à la règle qu'a évoquée Cheikh Al-Uthaymeen, qui dit que le chapitre concernant les informations au sujet d'Allah est bien plus vaste que le chapitre concernant les attributs. Tamam? Ça, il n'y a aucune divergence sur le sujet. Il n'y a aucune divergence sur le sujet que Bab al-Ikhbar awsa' min Bab al-Sifat. Tandis que la règle qu'a évoqué Cheikh Saleh al-Sheikh, fihi ma fi. Fihi ma fi. J'ai été clair sur le sujet, Juan? En fait, je ne sais pas si c'est moi qui dois gérer le micro de tout le monde, mais le micro, si les frères ils gèrent leur micro, c'est meilleur, je pense. C'est-à-dire celui qui a quelque chose à dire, ou bien quand je pose une question, il répond direct, j'ai pas besoin d'enlever son micro pour l'entendre. Ça y est bien, Juan? Khalas. Qala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala Sheikh al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah, al-qawa'id fi adillati al-asma' wa al-sifat. Donc comme je vous ai évoqué, là c'est la dernière partie qui concerne les règles portant sur les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. طيب. قال القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. Donc la première règle, Sheikh Al-Uthaymeen, il évoque la première règle en disant Al-Adillatu allati, les preuves avec lesquelles on affirme les noms et les attributs d'Allah Azzawajal ne sont autres que le Coran ou la Sunna, c'est-à-dire la Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et on ne peut en aucun cas affirmer un nom ou un attribut à Allah Azzawajal avec autre que ces deux preuves. Tamam? Taïb. Et ça, c'est une parole très importante de Sheikh Al-Uthaymeen. À savoir que dans la religion islamique, on a on a plusieurs sources vers lesquelles on s'appuie. Naam. On a plusieurs sources vers lesquelles on s'appuie. On a le Coran. On a la Sunna. On a quoi d'autre, Yann Juan? Hein? On a quoi d'autre comme source, Yann Juan? Ah, Ismaïl. Tfadal. عندنا الإجماع كذلك. يعني donc on a le Coran, on a la Sunna, on a aussi le consensus, l'unanimité, l'avis de l'unanimité. On a quoi aussi, Abdallah? Hein? طيب عبد الله تسمعني؟ ouais je t'entends. Ah ouais mais non moi je ah ouais d'accord. Comment je fais pour changer tout ça? Ah ouais, khalas. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ça y est, ok. Bah, du coup, ceux qui parlent pas, qui coupent leur micro, comme ça, il n'y a pas d'interférence. Vas-y, Abdallah, je t'écoute, Yahri. Donc, on a vu la première. Le premier. Coupez vos micros, Yahri. Pour ceux qui. Eh ouais. Allah al-Musta'an. Comment je fais pour te remettre le temps? Il va passer là. Al-Muhim, c'est pas grave là. Inch'Allah, les gens ils vont comprendre. Donc là, Abdallah, il nous disait le qiyas. Naam. Donc en islam, on a différentes sources pour affirmer certains jugements. Donc on a le Coran, on a la Sunna, on a l'avis de l'unanimité des savants, et on a aussi le qiyas. Tamam? Lakin là, quand le shir, shir al-Uthaymeen, il t'évoque le sujet des noms et des attributs, il te dit qu'on ne peut se contenter, enfin, qu'on ne... Attends. Ouais. طيب. نعم. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il nous explique que pour en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, là, on ne peut se contenter que de deux sources. Le Coran et la Sunna authentique. Fala tuthbat asma'ullahi ta'ala bil qiyas. Lianna al qiyas yahtaj ila aslan يقاس عليه بمعنى يحتاج إلى أن يكون هناك مماثل أو نظير أو شبيه وهذا باطل وهذا باطل في حق الله نعم donc on peut pas affirmer un nom d'Allah عز وجل ou un attribut avec ce qu'on appelle le qiyas, le raisonnement par analogie. Parce que le raisonnement par analogie, parmi ses fondements et parmi les bases de cette méthode, c'est qu'on le compare à une chose. Il est comparé à quelque chose. Or, si on affirme un nom avec cette méthode-là, ça sous-entendrait que on a comparé Allah Azza wa Jalla avec quelque chose. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est incomparable. Naam. Et qu'il n'a pas de, il n'a pas d'ego. Naam. Donc là, on comprend de cette parole de Cheikh Al-Uthaymeen qu'on ne peut pas affirmer un nom ou un attribut d'Allah Azzawajal avec le qiyas. وكذلك يا إخوان أسماء الله وصفاته لا تثبت بالعقل لا تثبت بالعقل كما تقدم فإنه يعني العقل يعني عاجز عن إدراك ذات الله عز وجل. Et aussi, يا إخوان, comme on l'a vu précédemment, on ne peut pas affirmer ماذا, on ne peut pas affirmer un quelconque nom ou un quelconque attribut d'Allah عز وجل avec simplement notre raison. Pourquoi? Parce que la raison est incapable de cerner l'être divin. Notre raison est incapable de cerner et de percevoir l'être divin. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar. Naam. Wa kadhalika ya ikhwan kama taqaddam. Al-ijma' la yu'tamad alayh. في إثبات الأسماء والصفات في إثبات الأسماء والصفات استقلالا لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه et aussi comme on l'a dit le ماذا l'avis unanime des savants ce n'est pas une source sur laquelle on s'appuie uniquement pour affirmer un nom ou un attribut d'Allah Azza wa Jal تمام Donc vous pouvez me dire, mais pourquoi on a vu à travers le livre, et dans plusieurs livres de Aqida, on voit que Mada, qui est Cheikh Al-Uthaymeen ou d'autres, ils disent, Dalil fi hada, Qawlullah ta'ala, wa hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa l'ijma'. Donc là, plusieurs fois, il nous a évoqué des preuves en évoquant également l'ijma'. Enfin, il y a comme une forme de contradiction là. Allez, c'est Kadalik. Qui peut répondre là? Ah. Allez, c'est Kadalik, Juan. Vous avez compris la question? Ah, tu vas dans les Yacine. Eh, Naam, lakin, pourquoi dans les précédents chapitres, on a vu que Cheikh Al-Uthaymeen, il évoquait l'ijma' en guise de preuve. Et là, ici, il nous dit comme quoi on ne peut pas affirmer le nom, ni un nom, ni un attribut, en gros, avec autre que le Coran et la Sunna. J'entends pas. C'est qui le frère qui parle là? Madri. À la kulli hal, pour pas perdre de temps. Madin. Tout simplement, il y a un Juan, parce que Cheikh Al-Uthaymeen, quand il évoque l'ijma' en guise de preuve, c'est pas il l'évoque comme étant une preuve en soi. Il l'évoque justement en guise pour renforcer son argumentation, et non pas pour que l'ijma' soit une source et une preuve en soi. Tamam? Naam. Taïb. Et aussi, il faut savoir, Yann Juan, que, madame, lorsque vous allez trouver dans les livres de Aqidah, lorsque vous allez trouver dans les livres de Aqidah qu'on évoque l'ijma', qu'on évoque l'avis unanime des savants. Tamam? Quand on parle de l'avis unanime des savants, est-ce que c'est les savants de toute la communauté islamique? Hein? Ou bien c'est uniquement certains savants? Ou c'est tous les savants de toutes les contrées, de toute la communauté islamique? Hein? Qui a la réponse? Et qui lève sa main? Ah, tu vois, dans les... Tu vois, dans les... Abba Yaqub. Taïb, c'est pas une obligation que ce soit tous les savants d'une contrée. C'est pas une obligation que ce soit tous les savants. Taïb, qui dit mieux? Nordin. Tadale, Nordin. Aïe, lillahi darruk. Quand vous allez voir. Le mot ijma' dans les kutub de Aqidah, c'est-à-dire ce sont l'unanimité des savants de la Sunna uniquement. Uniquement. Parce que les savants qui ne font pas partie de la Sunna, par exemple les savants de l'Asha'ira, hein, et les savants d'autres sectes, eux, ils peuvent contredire. Ils peuvent contredire. Ils peuvent contredire des points où on trouve l'ijma' des sahaba, et des partisans de la Sunna. Naam. Et est-ce que leur contradiction, le fait qu'ils contredisent, qu'ils contredisent l'ijma, est-ce que on peut prendre en considération leur contradiction? Comme vous le savez, il y a Ikhwan, dans la religion, il y a énormément de divergences entre les savants sur des jugements, sur des règles. Il y a énormément de divergences. Tamam. Dans certains cas, la divergence ne fait pas de tort. Enfin, c'est-à-dire, quand je dis ne fait pas de tort, c'est-à-dire, par exemple, le fait de placer les mains sur la poitrine après le ruku', lorsqu'on en revient dans la position debout, après avoir effectué l'inclinaison durant la prière. Placer les mains sur la poitrine. Certains savants, ils sont de cet avis-là, d'autres, ils sont de l'autre avis qui dit qu'on laisse les bras ballants le long du corps. Tamam? Ça, c'est une divergence entre les savants. Enfin, c'est une divergence qui n'est pas grave. Celui qui met ses mains sur la poitrine, qui rabat ses mains sur la poitrine à ce moment-là, on ne doit pas le blâmer. Et celui qui laisse ses mains sur le long du corps, on ne doit pas le blâmer. Tamam? Pourquoi? Parce que ça rentre dans les masaïl ijtihadiyya. Ça rentre dans les divergences où les avis sont basés sur des preuves. Sont basés, les deux avis sont basés sur des preuves qui sont plus ou moins pertinentes. Tamam? Lakin, hunaka خلاف بعد الإجماع والخلاف التي وقع بعد الاتفاق يعني اتفق عليه أو اتفق عليه أنه باطل. Maintenant, il y a une divergence qui a lieu après qu'il y ait eu l'unanimité des savants sur un avis. Cette divergence qui survient après qu'il y ait eu l'unanimité, cette divergence n'est même pas à prendre en considération. Donc en général, ce sont les divergences des sectes innovées ou autres. Non. Maintenant, en parlant de divergence, il se peut que on est des imams qui sont reconnus comme étant imams de la sunna. Et ils vont diverger, ils vont contredire un avis, tamam, ils vont contredire un avis dans lequel il y a un dalil clair. Un dalil clair. Mais eux, ce sont des savants de la sunna, ils le font par effort, par effort, par réflexion. Tamam? Est-ce que ce genre de divergence, elle est à prendre en considération ou bien non? C'est-à-dire un savant de la sunna qui contredit un autre qui a avec lui un dalil clair. Hein? Comme je donne un exemple, maintenant, l'imam, bon, après, vous pouvez me dire que certains l'ont rendu innovateur. On va parler de l'imam Abu Hanifa, maintenant, ou ceux qui suivent son école, sa voie. Eux, ils disent que tu peux boire du nabidh at-tamr. Tu peux boire de la boisson faite avec un mélange d'eau et de dattes, même si elle a tourné. C'est-à-dire que quand cette boisson-là, elle passe un certain nombre de jours, et que les aliments ont macéré les uns avec les autres, eh ben, elle devient enivrante. Eux, ces savants-là, ils disent que tu peux en boire, même si elle est dans son état enivrante. Parce qu'ils disent que l'alcool que le prophète, alayhi salatu wasalam, a interdit, ماذا؟ Ce n'est pas celui-là. Tamam? Donc, cette réflexion, étant donné qu'elle sort qu'elle provient d'un savant de la communauté, reconnu comme étant savant, imam d'une grande école. Est-ce que sa contradiction là, on peut la prendre en considération, c'est-à-dire que des personnes peuvent se dire, voilà, ben moi je préfère suivre cet avis-là et ou autre. Hein? Nardine? Eh non. Eh non. L'imam, il peut être récompensé pour son effort. Le khilaf, c'est un khilaf ghayr mu'tabar. C'est un khilaf qui n'est pas à prendre en considération. Et celui qui insiste à suivre cet imam-là après que la preuve lui est parvenue, il peut même être considéré comme étant innovateur ou comme étant un homme pervers. Fahimtoum? هذه من الفوائد الجانبية التي ذكرها الشيخ سعيد ببسط في شرحه، جزاه الله خيرا، أردنا أن نفيدكم بها. طيب، donc ça c'est quelques leçons très utiles qu'a évoqué الشيخ سعيد ابن دعاس عليه رحمة الله dans son شرح lorsqu'il a enseigné ce cours-là à Damage. À la kulli hal, donc là, c'est très important. Vous retenez que pour affirmer un nom ou un attribut, on se contente que du Coran et de la Sunna. Taïeb, on se contente du Coran et de la Sunna. Ma huna kijma. Mada. Al kursi mawdi' al qadamay. Mawdi' al qadamay. Le fait que lorsqu'on dit que le coursi d'Allah Azzawajal, au Mada, Afwan, هذه مسألة أخرى. لما نقول أن الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Allah سبحانه وتعالى, il prie, يعني si on le traduit littéralement, ça donne Allah سبحانه وتعالى, il prie sur le prophète عليه الصلاة والسلام. On n'a pas trouvé dans la Sunna, ni dans les paroles, enfin, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, une explication de cette prière. Tamam? Mais c'est venu de Ba'd Salaf, Abu Aliya, Abu Aliya, qui dit que As-salat huwa thana'ullah fil mala'u al-a'la. La salat, la prière là visée par ce par Mala cette parole ce n'est autre que l'éloge d'Allah dans Mala au milieu de la plus noble des compagnies. Taïe. Là ya Juan, l'éloge d'Allah, c'est un attribut. Tamam? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse l'éloge du prophète alayhi salatu wa salam. C'est un verbe, donc forcément yani, on peut en tirer un attribut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de son messager. Taïb. Taïb, cet attribut-là, ya ikhwan, qui nous l'a expliqué comme tel? Abu al-Aliya. C'est pas Madin, le prophète ou la Tamam. Donc là, comment on rejoint les deux? Comment on rejoint le... Je sais pas si j'ai été clair dans la question, Nakin. Asa an yakuna. Mashallah, Nordin, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a que toi. Hein. Kasi. Hayakum Allah. Ah. Tfadal, Yassine. الآثار في الأمور الغيبية تفيد الرفع. هذا إذا كان الصحابي، إذا كان من أقوال الصحابة. Ça, ceci, c'est les paroles des compagnons. Donc, le frère Yassine, il dit que les paroles des pieux prédécesseurs qui indiquent ou qui parlent, qui ont pour sujet des choses invisibles, en général, ça indique que ça vient du prophète, alayhi salatu wasalam. Ça, c'est une vérité si c'est des paroles des compagnons. Mais si c'est pour ceux qui sont venus après les compagnons, ça, ce n'est pas. Ce n'est pas juste ou justifié. Tamam. Donc là, comment on pourrait. Ah, Nordin. Là. Non. En fait, tout simplement, Yerhwan, c'est que là, le salaf, il vous explique le sens. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il affirme qu'il prie sur son messager. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Donc, la salah, là, c'est un attribut. Tamam. Allah subhanahu wa ta'ala yusalli. Mais le salaf, là, lui, tout ce qu'il fait, c'est t'expliquer que cette prière-là, c'est c'est un éloge. C'est un éloge. Et c'est non pas la prière que nous connaissons, nous. C'est l'éloge d'Allah Azzawajal qu'il a réservé pour son prophète, alayhi salatu wasalam, au milieu, ou plutôt, en compagnie de la plus haute des assemblées, c'est-à-dire l'assemblée des meilleurs des anges. Fahim Tom? C'est clair ça, Yann Khouan? Taïb, ala kulli hal, namshi. Qala, fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighayrihima, wa ala hada. فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته. Donc, tout ce qui nous vient, tout ce qui nous est affirmé dans le Coran ou dans la Sunna, comme nom, comme attribut, il nous est impératif et obligatoire de l'affirmer. Tamam? وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. Et tout ce qui nous vient comme attribut ou nom étant réfuté à Allah Azzawajal, on se doit de le réfuter, bien sûr, en affirmant son opposition, en affirmant le contraire. Car comme on l'a vu, نفي النفي لا يعد كمالا حتى يثبت بعد ذلك ضده أو ضده. نعم. طيب. ثم قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. Et en ce qui concerne les noms ou les attributs que l'on ne trouve pas ni dans le Coran ni dans la Sunna, c'est-à-dire ni Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés dans le Coran ou à travers la langue de son prophète, alayhi salatu wasalam, ni il les a réfutés. Ni il les a réfutés. Tamam? Donc, Cheikh Al-Uthaymin, il dit. Attendez, parce que. Cheikh Al-Uthaymin, il dit. Il dit que pour ces attributs-là, qui n'ont été ni affirmés, ni réfutés, on se doit de s'abstenir. On se doit de s'abstenir. Naam. Wa hadha yani tab'an idha kana al-lafz yadullu ala ma'na haqqin. Et ça, c'est uniquement si le sens du mot, le sens premier du mot, il indique une vérité. Je vous donne un exemple, par exemple, El-Qadim. El-Qadim. C'est-à-dire, El-Qadim, on le traduirait par l'ancien. L'ancien. Tamam. El-Qadim, c'est un nom qui n'a jamais été affirmé et ni même réfuté. Ou El-Qidam. El-Qidam, l'ancienneté. C'est un attribut qui n'a jamais été affirmé, mais ni réfuté. C'est justement pour ce genre d'attribut qu'on va on va s'abstenir. C'est-à-dire, on va s'abstenir. Ni on les affirme et ni on les réfute. On s'abstient. C'est pour ce genre d'attribut que la parole de Shir al-Utaymeen s'applique. Mais par contre, les attributs qui sont. Qui contiennent qui comprennent un sens de déficience. Alors cela, du moment qu'on sait qu'ils contiennent un sens déficient, alors on se doit de les réfuter à Allah Azzawajal, même si il ne les a pas réfutés dans son Coran ou dans la Sunna. Tamam? Donc la dernière parole là de Sheikh Al-Uthaymeen, elle est propre et elle ne vise que les attributs ou les noms qui ont un sens qui ont un sens juste, qui ont un sens juste, comme El-Qidam. El-Qidam, comme le fait l'ancienneté, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith, Mada, wa anta al-awwal, laysa qablaka shay. Tu es le premier et il n'y a rien avant toi. Tu es le premier et il n'y a rien avant toi. Donc ça, c'est en conformité. C'est en conformité avec. Donc le qidam, c'est en conformité avec ce hadith. L'ancienneté est en conformité avec ce hadith. Donc ni on l'affirme, ni on le réfute pour Allah Azza wa Jal. Fahimtum ya ikhwan? Naam. Qala Sheikh Al-Uthaymeen. وأما معناه فيفصل فيه وأما معناه فيفصل فيه Bon, ça on va le garder pour la semaine prochaine. حتى طيب يا إخوان, s'il y a des questions, s'il y a des questions, يا إخوان. Attends, Nadine, tu voulais dire quelque chose? Oui, Nadine. D'accord, ok, طيب. Abdallah? Ouais, je t'entends, Harry. Le qiyas, c'est un raisonnement par analogie. C'est-à-dire, c'est une comparaison en vérité. Wafik, wafik, Akhil Kalim. طيب تفضل يا